Okay, today is 11th of February 2012. I'm happy to see all of you, both old faces and new faces, for this winter retreat. Dhamma Ranzi Meditation Center is a special place for a retreat. In the past, we have been here for both short and long retreats. This time, it will be for 2 weeks. So, everyone will have a chance to meditate and to achieve peace of mind and gain inside knowledge. Nous sommes aujourd'hui le 11 février 2012. C'est le premier jour de notre retraite. Je suis très heureux de vous voir tous ici présents, de voir d'anciens visages et de voir de nouveaux visages pour cette retraite d'hiver. Le centre de méditation Dhamma Ranzi est un endroit propice pour la méditation. Dans le passé, je suis déjà venu ici pour des retraites, parfois de courte durée, parfois plus longues. Cette fois-ci, la retraite va durer 2 semaines. Chacun aura ainsi l'occasion de pouvoir pratiquer la méditation et d'atteindre la paix de l'esprit et les connaissances vipassana. De mon côté, je vais faire de mon mieux pour donner des bonnes instructions et une guidance correcte pendant toute la durée de cette retraite. C'est la 6e fois que j'ai l'occasion d'enseigner dans ce centre et l'opportunité d'enseigner et de diffuser le Dhamma est très gratifiante. C'est dû à un karma passé positif que les yogis se retrouvent ici, dans cette salle de méditation, pour pratiquer. Ces yogis qui viennent de différents pays. Et s'ils ont donc cette intention de pratiquer le Dhamma et de pratiquer la méditation vipassana, c'est dû à un karma passé positif. Il faut également leur rendre hommage du fait qu'ils se sont rassemblés ici. Ils sont venus de loin pour pratiquer dans ce centre. Je ferai de mon mieux pour vous aider dans votre pratique du Dhamma. Nous devons également remercier les bénévoles et tous ceux qui ont rendu cette retraite possible. Ce n'est qu'en faisant un gros effort au moment de la pratique que nous pourrons réaliser les connaissances vipassana qui sont notre but. Je pense que si la pratique se passe correctement, ceci sera une retraite réussie. J'espère que, en cette belle saison, dans ces lieux très paisibles, dans cette atmosphère très amicale et familiale, nous pourrons tous développer la paix de l'esprit, la concentration et la sagesse. Chaque fois que je viens ici, je vois des changements et des améliorations au centre Dhamma Ranzi. Je suis impressionnée des changements récents dans la forge qui est devenue la nouvelle cuisine et le nouveau réfectoire. Je suis impressionnée par le rythme des changements à Dhamma Ranzi. Depuis que vous avez acheté la maison en face, je prie pour que cela continue. De nos jours, le yoga est très populaire. Le yoga permet d'atteindre le calme et la paix. Cette pratique peut aider à surmonter certaines conditions pénibles du corps. C'est pour ces raisons que cette pratique est appréciée par certaines personnes. Dans la méditation vipassana, nous allons pratiquer l'attention qui mène à la concentration. Cette concentration, à son tour, va amener le développement de la sagesse. La pratique de l'attention permet de développer et d'éduquer l'esprit. Elle mène à la sagesse. La technique de Mahasi que nous utilisons ici va nous apprendre à gérer les sensations désagréables et à nous relaxer physiquement. Cette pratique de méditation va faire apparaître des douleurs. Ces douleurs, au début, seront très claires. Mais le fait de les observer va permettre aux yogis de se focaliser. Les yogis qui ont déjà une certaine expérience comprennent ceci. Pendant une retraite intensive, il est possible qu'un yogi rentre chez lui après 2 ou 3 jours. Mais s'il le fait, il va emmener avec lui beaucoup de souffrances. Et ceci va entraver sa progression. Il est même possible qu'un yogi rentre chez lui avec plus de douleurs que lorsqu'il était arrivé pour la retraite. Ce yogi pourrait alors penser que cette méditation ne lui permet pas de gérer correctement ses douleurs. Mais si le yogi persévère et qu'il poursuit sa pratique jusqu'à la fin de la retraite, de façon diligente, il va avoir des expériences extraordinaires, des expériences qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il pourra noter correctement la douleur. La méthode de Mazi, que nous pratiquons ici dans ce centre, s'appuie sur l'enseignement du Bouddha qui est contenu dans le Mahasatipatthana Sutta. Je vais maintenant vous parler plus en détail de la méditation vipassana. La méditation vipassana est la méditation de l'attention. Elle va vous apprendre à être dans l'instant présent, à vivre dans l'instant présent. Elle va nous apprendre à être conscient de tout ce qui se manifeste en nous à chaque instant. Seul l'instant présent a de l'importance. Tout ce qui se manifeste en vous à chaque instant, par l'une ou l'autre des portes sensorielles, l'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps ou l'esprit, tout cela doit être observé et noté. Vous appliquez simplement l'attention. Vous observez l'objet tel qu'il se manifeste, sans y ajouter d'interprétation personnelle, comme par exemple « c'est beau, c'est vilain, c'est bon, c'est mauvais », etc. En d'autres termes, vous notez l'objet tel qu'il est, sans y ajouter d'interprétation subjective. Lorsque vous pratiquez la méditation vipassana et que vous faites une note mentale ou tout simplement que vous observez les différents objets qui se manifestent en vous à chaque instant, vous allez développer votre attention qui va atteindre un très bon niveau. Vous pourrez alors voir les choses telles qu'elles sont réellement. Vous verrez la véritable nature du corps et de l'esprit, des phénomènes physiques et mentaux qui vous composent. La véritable nature veut dire la nature de l'impermanence, la nature de l'insatisfaction et la nature de l'absence d'une entité permanente. Il est très important de réaliser ces 3 caractéristiques si nous voulons avoir une compréhension correcte des choses. Vous aurez alors moins d'attachement pour le corps et pour l'esprit et progressivement, vous allez affaiblir l'emprise des impuretés mentales. Lorsqu'on pratique la méditation vipassana, il faut se choisir un objet sur lequel on va fixer son esprit. Cet objet sera la demeure de l'esprit. Selon la méthode de Mazi Sayadaw, ce sont les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen qui sont choisis comme objet d'attention. Lorsque vous inspirez, l'abdomen va se gonfler ou se soulever. Et lorsque vous expirez, il va se contracter ou retomber. Ces mouvements, soulèvement et abaissement de l'abdomen sont l'objet principal d'observation lorsqu'on médite. Essayez de maintenir votre esprit sur l'abdomen. Soyez attentif de façon pénétrante au mouvement de soulèvement et maintenez votre esprit sur ce mouvement du début à la fin. Et lorsque le mouvement d'abaissement a lieu, maintenez votre esprit pendant toute la durée du processus, du début à la fin. Vous pouvez même mettre votre main sur l'abdomen de façon à sentir clairement ces mouvements de soulèvement et d'abaissement. Après quelque temps, vous deviendrez probablement capable de suivre les mouvements de l'abdomen sans devoir mettre votre main sur l'abdomen. Vous devrez également faire la note mentale « soulèvement, abaissement, soulèvement, abaissement ». soulèvement, abaissement. Si on demande aux méditants de faire une note mentale, autrement dit d'étiqueter le phénomène, c'est simplement pour l'aider à maintenir son esprit fixé sur l'objet. Mais si le fait d'étiqueter mentalement le phénomène dérange votre méditation, vous ne devez pas le faire. Soyez simplement attentif à l'objet, à l'instant précis où il se manifeste. Si vous arrivez à maintenir votre esprit sur les mouvements de l'abdomen sans interruption, et que vous n'observez donc que l'abdomen, c'est parfait. Mais l'esprit a tendance à vagabonder. Donc, si au cours de votre pratique, alors que vous êtes occupé à observer les mouvements de l'abdomen, vous constatez que votre esprit s'est mis à vagabonder, ne soyez pas découragé, ne vous sentez pas coupable. Soyez simplement attentif et notez ce vagabondage de l'esprit. Vous pouvez étiqueter mentalement le phénomène en répétant doucement « vagabonder, vagabonder » deux ou trois fois, et vous revenez ensuite au mouvement de l'abdomen. Parfois, il y aura des pensées, des projets d'avenir, vous aurez des visions, vous vous verrez parler en imagination, où il y aura des émotions comme de la colère, de l'avidité. Tout cela peut se manifester dans l'esprit. Prenez tout cela comme objet d'attention. Notez ces choses deux ou trois fois jusqu'à ce qu'elles aient disparu et revenez ensuite au mouvement de l'abdomen. Vous devrez également observer les sensations dans le corps. Si vous avez des sensations désagréables quelque part dans le corps, focalisez votre attention à l'endroit précis où cette sensation se manifeste et soyez-en conscient. S'il y a des douleurs quelque part dans le corps, concentrez-vous à l'endroit précis où la douleur se manifeste. Observez-la attentivement. Vous pouvez vous répéter mentalement « douleur, douleur, douleur ». Il est possible que cette douleur disparaisse, mais il est possible également qu'elle s'intensifie. Essayez de l'observer le plus longtemps possible. En fait, la douleur est un très bon objet d'observation lorsqu'on pratique la méditation, car l'esprit est attiré par ce type de sensation. Il est attiré à l'endroit où la douleur se manifeste. Essayez donc de l'observer attentivement. Essayez de voir cette sensation comme une simple sensation, une sensation de type désagréable. Il est important de ne pas s'identifier avec la douleur. Ne vous répétez pas mentalement « c'est ma douleur, j'ai mal » car il n'y a qu'une douleur, une sensation. Si la douleur s'intensifie au point qu'il devient impossible pour vous de la supporter, vous pouvez l'ignorer carrément et retourner à l'objet primaire. Vous pouvez aussi faire de petits mouvements ou changer de posture pour vous soulager. Mais lorsque vous changez de posture ou que vous faites ces petits mouvements, notez d'abord l'intention de le faire. Soyez attentif à l'intention de changer de posture et ensuite seulement vous observez le mouvement du corps qui se déplace très lentement et vous suivez attentivement toutes les phases du changement. Lorsque vous avez terminé de changer de posture, vous revenez à l'objet primaire. Vous devrez également être attentif aux autres sensations qui apparaissent et disparaissent en vous, comme par exemple les chatouillements, les démangeaisons, les engourdissements, les raideurs, la chaleur dans le corps. Lorsque ces sensations ont disparu, vous revenez au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Les mouvements de l'abdomen sont donc la demeure de l'esprit, l'objet primaire lorsque vous pratiquez la méditation. Si d'autres objets deviennent prédominants, vous devez en prendre note et revenir ensuite au mouvement de l'abdomen. Ne forcez pas, ne vous tendez pas, observez calmement les différents objets qui se manifestent à chaque instant. N'essayez pas d'éliminer de force les distractions ou les émotions ou les sensations du corps. Observez-les simplement et laissez-les disparaître d'elles-mêmes. De cette façon, Vous restez attentif sans interruption à tout ce qui se manifeste en vous à chaque instant par l'une ou l'autre des 6 portes sensorielles. En maintenant votre attention sur les différents objets de méditation, vous allez développer la concentration ou la fixité de l'esprit qui est nécessaire pour faire surgir la compréhension profonde de la véritable nature du corps et de l'esprit. Vous pourrez constater qu'au début, ceci est très difficile. C'est très difficile de rester concentré, ne fût-ce que pendant un court moment. Ceci est dû au fait que vous travaillez avec l'esprit, et l'esprit est très instable, très difficile à contrôler. On peut dompter un taureau sauvage en l'attachant avec des cordes, mais il n'est pas possible d'attacher l'esprit avec des cordes. Vous allez l'attacher avec l'attention. Vous allez donc attacher votre esprit à l'objet avec l'attention. Au début, votre attention ne sera probablement pas assez forte pour maintenir l'esprit sur l'objet. Vous aurez beaucoup de distractions qui vont venir interférer avec votre méditation. Lorsque ces distractions pénètrent en vous, quel que soit l'organe sensoriel, ne soyez pas irrité, ne soyez pas découragé. Prenez simplement ces distractions comme objet de méditation en les notant. La beauté de la méditation vipassana réside dans le fait que tout doit être pris comme objet d'attention. Tout devient objet d'attention dans cette méditation. Les mouvements de l'abdomen sont la demeure de l'esprit. Si vous n'avez aucun autre objet à observer, vous êtes simplement attentif à cet objet primaire. Mais que vous observiez l'abdomen ou toute autre distraction, tant que vous êtes capable de noter ces choses, vous faites de la très bonne méditation. Lorsqu'on pratique la méditation vipassana, il faudra également être patient et persévérant. Il ne faudra pas se décourager si on n'arrive pas à se concentrer au début. Tout le monde passe par ce type d'expérience. Lorsque vous pratiquez la méditation, essayez d'abandonner toutes vos attentes. N'espérez rien. Soyez simplement dans l'instant présent. Et si ces attentes, ces espoirs se manifestent en vous malgré tout, faites-en des objets d'attention. De cette façon, vous pouvez gérer très efficacement tout ce qui se manifeste en vous à chaque instant. Parfois, les yogis pensent qu'ils ne méditent pas bien parce qu'ils n'arrivent pas à rester concentrés sur l'objet primaire. Ils disent par exemple « Oh, on a passé tout notre temps à observer l'esprit qui vagabondait. Nous n'avons pas eu le temps de nous concentrer sur l'objet primaire. » Mais que vous observiez l'objet primaire ou un objet secondaire, pourvu que vous soyez attentif à chaque instant, vous faites de la très bonne méditation. Vous pratiquez vipassana. Ce qui est important dans la méditation vipassana, c'est d'être attentif à chaque instant, quel que soit l'objet. Parfois, il va vous arriver de rater un objet. Cet oubli devient alors lui-même objet de méditation. Vous devez vous répéter mentalement « rater, rater » ou quelque chose comme ça, avant de retourner à l'objet primaire. Il faudrait que l'attention soit toujours présente. À chaque instant, vous devez être attentif à ceci, être attentif à cela. Si vous réussissez à maintenir votre attention très alerte, vous ferez des progrès très rapides et vous commencerez à réaliser la véritable nature des choses. Vous commencerez donc à voir la véritable nature des choses. Ceci veut dire que vous allez commencer à voir apparaître et disparaître les objets. Voir apparaître et disparaître les objets, c'est réaliser l'impermanence. Lorsque vous réalisez que ces objets sont impermanents, vous réalisez automatiquement leur nature insatisfaisante et également l'absence d'une entité permanente. Vous réalisez que ces phénomènes sont incontrôlables. Ils apparaissent et disparaissent selon des lois qui leur sont propres. On dit alors que vous avez réalisé les trois caractéristiques générales de tous les phénomènes conditionnés. Voir ces trois caractéristiques générales de tous les phénomènes conditionnés est l'essence même de Vipassana. Si vous pratiquez Vipassana, vous devez réussir à voir ces trois caractéristiques des phénomènes, car le mot Vipassana veut dire « voir selon des modes différents ». Voir selon des modes différents, c'est voir à la lumière de l'impermanence, à la lumière de l'insatisfaction et à la lumière du non-soi. Ce qui est important dans Vipassana, c'est de réaliser ces trois caractéristiques des phénomènes, et pour y arriver, nous devons apprendre à observer et être attentifs à tout ce qui se manifeste à chaque instant. Pour pouvoir être attentifs à tout ce qui se manifeste à chaque instant, nous devrons fournir un effort. Sans effort, rien de valable ne peut être obtenu. C'est pourquoi le Bouddha a parlé de l'effort ardent, la claire compréhension et l'attention. Si ces trois facteurs sont présents, l'effort ardent, la claire compréhension et l'attention, et si de plus nous avons la concentration, nous pourrons surmonter l'avidité et le mécontentement pour les objets que nous observons. Essayez d'être attentif de façon précise. Ceci veut dire que vous devez prendre conscience des objets à l'instant même où ils se manifestent. Ne prenez qu'un objet à la fois. Choisissez celui qui est le plus prédominant. Si vous n'arrivez pas à choisir l'objet prédominant, prenez-en un et soyez-y simplement attentif. Essayez de ne pas avoir d'espoir, d'attente. N'espérez pas expérimenter des choses étranges ou d'avoir des visions ou d'obtenir des résultats ou même d'être concentré. Les espoirs sont bons car ils peuvent nous motiver et nous pousser à pratiquer, mais lorsqu'on est occupé à pratiquer, ils deviennent des obstacles à la concentration. On peut dire que ces espoirs, ces attentes sont une forme légère d'avidité ou d'attachement. L'avidité et l'attachement sont des empêchements à la concentration. Donc, si vous constatez que vous avez des espoirs, des attentes, ne soyez pas irrité. Prenez-les simplement comme objet d'attention et notez-les. Répétez mentalement, espérez, espérez, espérez, et ensuite vous revenez au mouvement de l'abdomen. Lorsqu'on pratique la méditation, on doit faire un effort, c'est un effort mental. Cet effort ne doit être ni trop faible, ni trop fort. Si vous faites trop d'efforts, vous allez devenir agité et vous ne pourrez plus vous concentrer. Si vous ne faites pas assez d'efforts, vous allez devenir somnolent et de nouveau, vous ne pourrez pas vous concentrer. L'effort doit donc être bien dosé, équilibré. Si vous oubliez d'être attentif et qu'après vous vous en souvenez, vous le constatez, prenez cet oubli comme objet d'attention. Vous pouvez vous répéter mentalement « rater, rater, rater » ou « oublier, oublier, oublier ». Mais surtout, évitez d'être tendu, que ce soit physiquement ou mentalement. Soyez relâché, calme, observez simplement. Faites la note mentale lorsqu'un objet se présente, que ce soit dans le corps ou dans l'esprit. May you all be able to put our efforts to raise the awareness and develop concentration and finally see the true nature of your mind and body through this meditation retreat.